yo man, mon nom à moi c'est dit pas natural. J'suis pas capable de penser, mais j'suis capable de rapper. Nous autres, les yo, on n'est pas violents. Mais si tu veux pas un bâton des dents, t'es mieux de respecter le hip-hop. Hey man, écoute ma gang. Yo, l'autre jour pendant une tempête, j'étais habillé en yo. C'était que le vent, il me rentrait dedans. Le monde me confondait avec un écureuil volant. Hey, regarde ça, c'est un écureuil volant. Yo, man! Yo, yo, yo, man!